Chapitre 3e. Deuxil rentra chez lui. Il n'avait point quitté le logis de la veuve où il s'était installé depuis 5 années. L'appartement était des plus modestes, mais le ministre affichait un profond mépris pour les douceurs de la vie. Quelques esprits méchants disaient bien que ce mépris apparent n'empêchait pas Deuxil de soigner ses intérêts matériels et qu'il était en train de s'amasser une fortune, dépensant peu et ayant des bénéfices raisonnables, car sa petite chapelle était toujours remplie par les fidèles qui payaient largement leur place, louée à l'année. Mauvais propos, car si le ministre prêchait la sobriété, il était avéré qu'il ne buvait que de l'eau. S'il enseignait la patience chrétienne, jamais il n'avait répondu aux calomnies, et il prescrivait la charité en répandant de nombreuses aumônes. Sa vie pure et rangée comme celle d'une jeune fille prouvait qu'il pratiquait la chasteté. En résumé, s'il s'enrichissait un peu sur la terre, il n'en amassait pas moins des trésors au ciel. Ce soir-là, comme à l'ordinaire, en rentrant chez lui, il trouva les lumières éteintes dans la maison. La veuve se couchait à 9 heures et n'attendait jamais son locataire. Des allumettes et une bougie étaient déposées sur une petite table placée au bas de l'escalier. Deuxil gagna sa chambre et, se laissant tomber sur un siège, s'absorba dans une profonde méditation. « Elle m'aime, pensait-il, et je l'aime. Je n'avais vu d'abord en elle que la riche héritière. Maintenant, je ne vois que la jeune fille. Je l'aime, et de toutes les forces de mon âme. Pauvre, abandonnée, je la choisirai encore entre toutes pour la compagne de ma vie. Je l'aime, car je me sens faiblir devant elle. Je recule devant l'idée de la tromper. Mais est-ce la tromper que de ne pas lui faire connaître un terrible passé? N'ai-je pas rompu avec ce passé, et ne suis-je pas ici réellement le pasteur Deuxil? Pour acquérir cette position, je me suis imposé toutes les souffrances, toutes les privations. J'ai travaillé comme un forçat. Je suis respectable. Respectable, voilà le grand mot. Voilà le but de mes efforts, disait Deuxil. Pourquoi ne pas profiter de ma vie de patience et de misère? Elle m'aime comme je l'adore. À quoi bon des scrupules? Avec elle, j'ai le bonheur et la fortune. Je mets une barrière infranchissable entre le ministre Deuxil et l'accusé de... Ses réflexions furent interrompues par un petit bruit sec qui l'obligea à lever la tête. Il lui sembla qu'un caillou avait été lancé sur les vitres de sa fenêtre. Il tressaillit car tout mystère l'effrayait. Il se leva, ouvrit la fenêtre et regarda au dehors. La nuit était sombre. Le croissant de la lune se cachait derrière un nuage noir. Une pluie fine tombait doucement sur les feuilles des peupliers qui bordaient la route du côté de la campagne. « Personne !» murmura Deuxil. « Vous vous trompez, mon révérend, » répondit une voix. « Il y a un ami qui, depuis 3 ans, vous cherche de tous côtés et qui est bien heureux de vous retrouver. » Le ministre recula. Une sueur froide lui vint au front. Il tremblait de tous ses membres. Brusquement, cependant, il répliqua. « Je ne vous connais pas et je vous engage à ne pas frapper de nouveau à ma fenêtre. Nous ne souffrons pas ici les caprices des ivrognes. Et si vous ne quittez pas la place, je vous ferai des guerres pires. Soyez-en sûrs. » Devant cette menace, l'homme, toujours caché dans l'obscurité, fit entendre un rire sardonique. « Ne fermez pas votre fenêtre !» reprit la voix d'un ton plus haut et presque insolent. « J'ai besoin de vous parler, et je vous parlerai, au risque même d'éveiller la ville entière, pour lui apprendre de ce que j'ai à vous dire. Il serait plus prudent, je crois, saint homme, de me donner l'hospitalité et de m'offrir quelque chose à boire. » Deuxil rompit l'entretien en fermant la fenêtre. « Que faire ? S'écria-t-il en se promenant de long en large dans son appartement, le front contracté et les traits bouleversés. « Que faire ? Je n'ai pas le choix, il m'a trouvé. Que balle maintenant ma situation ici, mes 5 années d'esclavage, mon culte du respectable ? Que devient mon amour au roi ma Cécilie ? » De nouveau, un caillou frappa la vitre, on s'impatientait en bas. Le ministre prit sa bougie et descendit l'escalier en poussant un soupir de désespoir. Il remonta presque immédiatement, suivi d'un homme vêtu d'habits râpés et coiffé d'un chapeau gris entouré d'une bande noire. Cet individu pouvait avoir 35 ans, mais sur sa physionomie on voyait des traces de dissipation, de débauche, d'ivresse et de crime. Des rides précoces sillonnaient son front. Son teint était blafard comme celui d'un malade. Il examina curieusement la pièce dans laquelle il se trouvait et se jetant dans un fauteuil en ayant l'air d'être chez lui. « Allons !» dit-il, tu es bien logé, mon cher. Des livres reliés avec luxe, des flambeaux dorés, un encrier qui doit être en argent massif, des pantoufles brodées, et de plus des coussins en tapisserie, autant de cadeaux de vieilles filles qui raffolent de leur pasteur. Mais cela ne m'étonne point. Tu as toujours eu du succès auprès des femmes. Témoin, ma pauvre sœur, qui te pleure comme un héros de roman. » À ces derniers mots, Dezil frémit. « Que voulez-vous de moi ? » demanda-t-il sèchement à son interlocuteur. « Ce qu'un misérable comme moi sollicite toujours des gens aisés, de l'argent. Mais avant ton aumône, donne-moi à boire et à manger. J'ai un loup qui me ronge l'estomac. Du cognac, cher ami, du cognac, je t'en prie. Je n'en ai pas et je ne bois que de l'eau. Pouah ! Et tu peux vivre ainsi ? Oui. Et pendant 5 années, j'ai renoncé au plaisir, au charme de l'existence, dans un but que vous ne comprendrez pas. Pour anéantir mon passé, pour devenir honnête homme. Est-ce réellement agréable d'être honnête homme, en dehors des encriers d'argent et des coussins en tapisserie ? Allons, sers-moi quelque chose, je tombe d'inanition. Je viens de Wilford. J'ai fait 15 000 sans manger ni boire. Comment avez-vous pu me trouver ? Interrogea Dezil. Une drôle d'histoire, tu vas voir, dit l'inconnu. C'est ta vanité de joli garçon qui m'a mis sur tes traces. J'étais à Wilford, un peu bas percé, car je vendais des programmes sur le champ de course. J'avais gagné quelque argent lorsque, saisi par le démon du jeu, je hasardais mes minces bénéfices sur un cheval qui, dans le galop d'essai, semblait avaler la terre avec ses jambes, mais qui dans la course s'arrêta comme un lâche auprès du poteau. Adieu, mes économies. Après les courses, je me promenais dans la ville. Je m'amusais à regarder les magasins. Un homme qui n'a pas d'argent regarde toujours les magasins. Et c'est pour le plaisir des pauvres gens que les boutiquiers arrangent si soigneusement leurs devantures. J'examinais à la vitrine d'un libraire une exposition de portraits photographiques. Je fus frappé à la vue d'une carte sur laquelle j'admirais un joli garçon, de figure grave, portant l'habit noir et la cravate blanche. Au bas de la carte, je lus cette légende, « Monsieur Dezil, ministre indépendant de Marston. J'ai la mémoire des physionomies, je reconnais donc sur le champ mon vieil ami. » J'entrai dans la boutique pour avoir des renseignements sur le monsieur à la cravate blanche. Sans avoir l'air d'un Richard, je n'ai pas trop mauvaise tournure. On répondit donc à mes questions avec politesse. J'appris même le plus court chemin pour me rendre ici. J'ai de suite quitté Wilford avec ce diable de loup faisant toujours rage dans mon estomac. Je marchais, traversant les champs de blé, franchissant les haies pour abréger la route. Lorsque j'entrai dans la grande rue, l'horloge de la vieille église sonnait 11 heures. Je crus que j'allais choir sur le pavé. À peine avais-je assez de voix pour demander ton adresse à un buveur qui se tenait sur le seuil d'un cabaret que l'on fermait. Il m'indiqua ton logis. « Tu cherches le saint pasteur des indépendants, » me dit-il en riant. « Si c'est pour une aumône, frappe à une autre porte que la sienne. » Il ne donne rien à tes semblables, sauf pourtant les serments, dont il est très prodigue. Ce n'était pas encourageant, mais je me souvins qu'en raison du passé, j'avais des droits sur toi et je continuais ma route. Maintenant, tu sais tout. Donne-moi donc enfin quelque chose à manger. Nous parlerons d'affaires ensuite. » Dezil était anéanti. Il avait écouté le récit de cet hôte singulier et semblait fasciné ainsi qu'un oiseau en face d'un serpent. Quand l'inconnu cessa de parler, le pasteur se leva, trébuchant comme un homme ivre. « Je vais vous chercher quelque chose, » dit-il. Puis il quitta la chambre, où il revint peu après apportant de la viande et du pain qu'il posa devant son hôte. Celui-ci se mit à manger gloutonnement, tandis que Dezil demeurait affaissé sur une chaise. « À présent que j'ai un peu calmé cette bête farouche, » fit l'inconnu en repoussant son assiette vide, « je suis en état de causer sérieusement. « Que penses-tu faire pour moi, cher ami et beau-frère ? Tu n'es pas gentil de t'éloigner ainsi de ta famille. Tu prends des précautions extrêmes pour communiquer avec ta femme. Mais avoue que tu as été joliment déniché. Ma femme ? Répéta Dezil avec angoisse. Eh oui, ta femme, ma sœur, cette petite sotte de Suzanne, qui t'aime toujours, bien que tu l'aies assez cruellement abandonnée autrefois, et que tu te caches d'elle aujourd'hui. Je lui ai donné les moyens de vivre, oui, et même de vivre misérablement. Tous les mois, depuis que tu as quitté le bourbier que tu sais, elle reçoit un bon de poste de 2 livres sterling, 10 shillings par semaine. Avec cela, on ne va pas loin. Elle vit, mais c'est tout. Elle n'est pas sortie de ce petit village où elle s'est réfugiée après ton jugement. Elle cède de son aiguille, la pauvrette. Mais l'aiguille ne procure pas de grandes ressources, surtout lorsqu'il faut secourir un frère malheureusement doué de goût fort au-dessus de sa position. Je ne la vois pas souvent, cette chère Suzanne. Elle est larmoyante en diable. Et ces questions, ces lamentations sur ton compte ne sont pas toujours amusantes. Heureusement, je t'ai retrouvée, et nous allons en finir. Ta femme saura où tu es. Elle viendra reprendre sa place auprès de toi, et tu sécheras ses larmes. Elle ici, interrompit Dezil. Mais ce sera ma ruine. Comment? Est-ce que les ministres indépendants ne se marient pas? Est-ce que, comme aux autres hommes, on ne te permet pas d'avoir une femme? Je ne dis pas cela, mais... Mais une femme en robe d'indienne ne convient pas, un pasteur bien posé. Alors habille ta femme de soie et de velours, faisant une grande dame. Ce sont des impossibilités. Vous ignorez ce que j'ai dû accomplir après ma sortie de ce tombeau des êtres vivants. De la prison, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas dire le nom des choses? Te souviens-tu de nos jeunes années? Continua le vagabond. Nous étions tous deux employés de la maison David Davidson. Mais quelle différence entre nous? Presque gentilhomme, sortant de l'université d'Oxford, des amis riches t'avaient placé chez les David Davidson. Grâce à tes protections, à ton travail et tes capacités, tu étais l'associé futur de ces hauts commerçants. Moi, au contraire, sans grande instruction, sans amis, je n'aimais pas le travail. Mais j'adorais les jolies femmes tout en ne méprisant pas le vin. J'étais un être si inférieur auprès de toi que tu ne m'aurais pas parlé une fois par an. Si je n'avais eu une jolie petite sœur, que tu vis par hasard un jour qu'elle va me chercher au bureau. Je ne sais pas comment cela se fit, mais après cette rencontre, tu m'honoras de ton amitié. Tu m'initias à tes projets, car le démon de la spéculation t'avait touché. Tu voulais devenir riche à ton tour et marcher à la tête du Stock Exchange. J'avais perdu sur le turf le peu que je possédais. J'acceptais donc avec joie l'association que tu me proposais. Nous fûmes si heureux au début que nous en perdîmes la tête. Nous rêvions de la fortune des Rothschild. Penses-tu que j'ai oublié tout cela? S'écria Dezil, impatienté. Je pense que si tu n'avais pas oublié ce temps, tu m'aurais accueilli avec plus d'empressement. Répartit l'autre. C'est pour ce motif que je te rafraîchis la mémoire. Ivre donc de nos premiers succès, nous avons voulu tenter un grand coup. Tu possédais la confiance des patrons, beaucoup d'argent te passait par les mains, et lorsqu'on manie ainsi l'argent des autres, il en reste toujours un peu au doigt. Certain de réussir, tu risquas ce qui ne t'appartenait pas. Hélas, tu attendais la hausse, ce fut la baisse qui arriva. Les capitaux fondirent comme la neige au soleil. Un vieux commis qui se vantait d'être honnête découvrit la peccadille en même temps qu'il s'apercevait que j'avais moi-même pratiqué quelques légers emprunts à la caisse du bureau. On nous arrêta le jour même de ton mariage avec la pauvre Suzanne, et ton idylle finit comme une tragédie. Un juge impitoyable nous condamna à 7 années de travaux forcés. Je subis, moi, toute ma peine. Mais un élève d'Oxford ne pouvait pas porter longtemps la casaque du forçat. Au bout de 4 ans, tu m'abandonnas, et je crois que tu n'as guère pensé à l'infortuné que tu laissais dans cet enfer. Te voilà maintenant ici. Tu as fait étalage de piété, tu es de nouveau riche, et de nouveau aussi tu as des amis. Tu croyais avoir rompu avec le passé. Mais cela n'est point aisé de se créer une seconde individualité, car tu le vois, malgré toutes tes précautions, un associé fidèle a pu te retrouver. Dezil comprit de suite qu'il était à la discrétion du bandit. Tâchant de cacher la rage qui le dévorait, il répondit d'un ton calme. « Tu as raison. Aussi te donnerai-je ce que tu désires, mais à certaines conditions. Lesquelles? Tu quitteras cette ville au point du jour et tu n'y reviendras jamais. Si tu as besoin de moi, tu m'écriras, et je t'aiderai autant que possible. Mais mon pouvoir de t'être utile dépend toujours de ma situation ici. Si tu détruis cette position, tu tues la poule aux œufs d'or. Et que deviendra ma pauvre sœur? Ta sœur ne quittera pas sa retraite si on apprenait que j'ai une femme et que j'ai caché cette femme pendant des années. On chercherait la cause de cette conduite et je serais perdu. Garde donc le plus profond secret. Cela est autant dans ton intérêt que dans le mien. » Le vagabond avait écouté attentivement ces dernières paroles. « Il y a une certaine logique dans tout ceci, » reprit-il. « D'ailleurs, en raison de notre vieille amitié, je vais être généreux, et je ne dirai rien, ma sœur. Mais à ton tour, que vas-tu faire pour cette noble cause de l'amitié? Tu dois avoir de jolies économies. » « Si tu quittes cette ville avant l'aube, » dit Dezil à son beau-frère, « je te remettrai 10 livres sterling, et tous les 3 mois, je t'enverrai la même somme. » Du moins tant que tu ne me trahiras point. 40 livres sterling, grommela le misérable, c'est une misère. Tu n'es pas forcé d'accepter, et si je refuse, Dans ce cas, je tâcherai de m'affranchir de ta persécution. Tu dois te rappeler que je ne suis pas de ceux qu'il faut pousser à bout. Encore une fois, ne tue pas la poule aux œufs d'or. Les œufs sont si petits. Ils grossiront si tu as de la patience. Allons, donne-moi 15 livres. Laisse-moi me reposer sur ton canapé pendant la fin de cette nuit et au premier chant du coq, je m'esquive sans bruit. Dezil prit dans un petit meuble dont il gardait toujours la clé 3 banknotes de 5 livres et les remit à son beau-frère, qui les froissa entre ses doigts, avec l'évidente satisfaction d'un homme qui n'a pas l'habitude de toucher souvent ses feuilles soyeuses. « Repose en paix, cher beau-frère. Demain matin, tu ne verras plus. Il faut cependant que je te laisse mon adresse. » Et tirant de sa poche un vieux portefeuille crasseux, bourré de papier, non sans peine, il y découvrit une enveloppe sur laquelle se lisait l'adresse suivante. « À M. Philip Mortimer, chez Maître John Cracklin, à l'enseigne de la Vache Rouge, Baldur's Alley, Eslington. » Le quartier n'est pas très aristocratique, mais c'est un logis sûr. Le propriétaire est des nôtres. « Tu te nommes Mortimer ?» demanda Dezil en souriant ironiquement. « Pourquoi pas ? Légalement, je m'appelle Morgan. Entre Morgan et Mortimer, le changement n'est pas grand, et j'ai toujours aimé les noms de vieilles souches. » Tout en parlant ainsi, M. Mortimer, né Morgan, s'était jeté sur le canapé, souillant l'étoffe de ses bottes crottées. Puis, il mit sous sa tête un petit coussin de velours brodé à l'aiguille, cadeau de Mlle Banner et de sa gouvernante, Mme Lagent. Mais le ministre savait que la jolie main de Cécilie avait fait la plus grande partie de l'ouvrage. Il retira donc vivement le coussin de dessous la tête de son beau-frère. « Je vais t'apporter un oreiller, » dit-il. « À ton aise, bonsoir, je m'endors. Tu t'éveilleras 5 heures, au premier chant du coq, sois tranquille. » Pendant toute cette nuit, le ministre cherchait inutilement le sommeil. Il réfléchissait qu'à partir de ce moment, ce qu'il avait de plus cher au monde ne lui appartiendrait plus que par ruse et fourberie. Toujours le mensonge, partout la déception. On ne rachète pas une première faute. Avait-il seulement aimé cette fille aux yeux d'un bleu clair, aux cheveux d'un blond pâle, aux traits communs? Devait-il sacrifier l'avenir à une fantaisie de jeune homme? Mais elle n'avait été sa femme que de nom, pourquoi s'occuper d'elle? L'amour vrai, sincère, passionné, c'est celui qu'il ressent pour Cécilie, et coûte que coûte, il lui faut Cécilie. Au point du jour, cependant, Dezil s'endormit, mais son sommeil agité n'était pas le repos. Quand il ouvrit les yeux, la chambre était pleine de soleil. Il crut, en s'éveillant, avoir fait un horrible rêve. L'illusion ne fut pas de longue durée. Le canapé de la pièce voisine portait encore la trace des bottes de son beau-frère. Dans tout l'appartement traînait une odeur de tabac et de rhum.